J'écoute Radio Moscou, Sonia est là qui me parle. Un parfum squelettique, froid odeur tactique. Un carton transporteur n'est qu'un vulgaire kidnappeur. Nous marcherons sous pas de loi, fiers contre l'armée rouge. Ils combattent pour leur autorité, les forces mortes jusqu'au sang. Envers du décor, nous serons téléguidés. C'est la guerre tyrannique, complot contre complot. Névrotisme décadent, léthargisme ambiant. C'est la guerre tyrannique, complot contre complot. Névrotisme décadent, léthargisme ambiant.